qui touche ton doigt, ça fait deux doigts. Ma main qui touche ton doigt, qui touche mon doigt, ça fait huit doigts. Et quand c'est tous mes doigts qui disent tes doigts, qui touchent mes doigts, ça fait combien de doigts? Et c'est peut-être déjà fini. Mes doigts, ça fait combien de doigts?